J'ai pas le temps de perdre du temps pour des boniments. J'ai pas le temps d'attendre les gens, des choses je vais au devant. J'ai pas le temps de baisser les yeux en me soumettant. Tout comme j'ai pas le temps de rester rampant de la vie pénitent. Tu sais, j'ai pas le temps d'écouter ceux qui me disent arrête de t'échanger. Que ça ne sert à rien la musique, que ça ne doit rester qu'un passe-temps. J'ai pas le temps de perdre mon temps à me dire que dans la masse, je suis insignifiant. Un numéro de plus qui nourrit le président. J'ai pas le temps pour mes devoirs, mes droits me suffisent. J'ai pas le temps de niquer 10 mois de ma vie pour apprendre la bêtise que je vise. Avoir la renommée, c'est laisser ma trace ici. La vie est courte, je taffe pour que moi et mes proches fassent du profit. Alors comprends que j'ai pas le temps, du moins je l'ai plus depuis que je suis grand. De suivre le chemin qu'on m'impose et de finir ma vie en regrettant. J'ai pas le temps de croire qu'ici jamais rien il ne se passera. Le hip hop de l'Est brillera, je serai devant avec ma estria. J'ai pas le temps de jouer les Kaira dans la vie, je suis Kiltran. J'ai pas le temps d'oublier mes proches, même si j'ai pas trop de temps à leur donner. Pour le moment, la musique m'éloigne d'eux, mais un jour viendra où je ferai péter le champagne avec eux. J'ai pas le temps de perdre du temps pour des boniments. Ouais, j'ai pas le temps d'attendre les gens, des choses me fais au devant. J'ai pas le temps de baisser les yeux en me soumettant. Tout comme j'ai pas le temps de rester rampant de la vie pénitent. J'ai pas le temps de perdre du temps pour des boniments. Ouais, j'ai pas le temps d'attendre les gens, des choses me fais au devant. J'ai pas le temps de baisser les yeux en me soumettant. Tout comme j'ai pas le temps de rester rampant de la vie pénitent. Depuis tout petit, je rêve d'avoir un bon job. Aider ma mère, lui offrir tout ce qu'elle peut. Pour pas qu'on dérobe, pour pas qu'on galère. Faut plus qu'on galère. Mais dans le monde où l'on vit à présent, c'est trop terre à terre. Plus de temps à perdre, je voulais être quelqu'un. Pour qu'elle soit fière de son fils. Il a fallu d'un rien, tomber dans le business et le vice. La vie a suivi son cours, et le hip-hop dans mon parcours. Le temps passe trop vite, on n'a plus vraiment le temps de faire des discours. Tous les jours, se battre contre le temps pour y arriver. Profiter du présent pendant qu'on y est. Mais le monde a changé, des plans se concrétisent. Mais il faut manger, pas question de rester rampant pour pouvoir évoluer. Expo dans ma lignée, d'accord pour faire vibrer. Mais faut plus perdre de temps si l'on veut pouvoir se retrouver. Le temps passe vite, n'essaie pas de le rattraper. J'ai même plus le temps de me demander tout ce que j'ai pu oublier. J'ai pas le temps de perdre du temps pour des boniments. J'ai pas le temps d'attendre les gens, des choses me fais au devant. J'ai pas le temps de baisser les yeux en me soumettant. Tout comme j'ai pas le temps de rester rampant de la vie pénitent. J'ai pas le temps de perdre du temps pour des boniments. J'ai pas le temps d'attendre les gens, des choses me fais au devant. J'ai pas le temps de baisser les yeux en me soumettant. Tout comme j'ai pas le temps de rester rampant de la vie pénitent. J'ai pas le temps craquer pour une gonzesse qui me fait des caresses et me tend ses fesses. Pour mieux gratter le blé que j'encaisse. Tout comme j'ai pas le temps pour les ragots que certaines personnes inventent. Car personne ne remplit ni mon frigo ni mon ventre. J'ai pas le temps non plus qu'on vienne me tendre la main. Car tu sais bien connaître rarement ceux qui en ont vraiment besoin. Pour ça j'ai pas le temps noyer mon chagrin dans la fonte. Surtout si je fais des trucs que le lendemain je pourrais regretter. Et vu que le temps passe vite, je peux pas me permettre de glander. Même si je sais qu'il y a rien de meilleur que de rester au pieu toute la journée. Non, avant de crever intelligemment, je veux en profiter. C'est-à-dire m'éclater sans pour autant m'écarter de l'objectif que je me suis fixé, qui est de bâtir un empire capable d'assurer à ma famille un avenir plus que convenable. De telle manière que si je devais partir demain, j'aurais au moins le souvenir d'avoir tout fait pour redonner le sourire au mien. J'ai pas le temps de perdre du temps pour des boniments. J'ai pas le temps d'attendre les gens, des choses je vais au devant. J'ai pas le temps de baisser les yeux en me soumettant. Tout comme j'ai pas le temps de rester rampant de la vie pénitent. J'ai pas le temps de perdre du temps pour des boniments. J'ai pas le temps d'attendre les gens, des choses je vais au devant. J'ai pas le temps de baisser les yeux en me soumettant. Tout comme j'ai pas le temps de rester rampant de la vie pénitent. J'ai pas le temps de rester dehors, pleurer sur mon sort. Je suis buté, je lutterai jusqu'à la mort pour que mes jours s'améliorent. J'ai pas le temps de me saouler, car la vie panique. Sinon je finirai par couler comme le Titanic. J'ai pas le temps de finir alcoolique. Avec mes acolytes on s'implique dans la musique. On se décarcasse, on y met le cœur et la carcasse. Alors parlez parleur, car cet art n'est pas une histoire de couleur mais de douleur intérieure. MC, j'ai ça dans le sang. J'y peux rien si je suis quelqu'un qui décrit tout simplement ce qu'il ressent. J'ai plus le temps pour les histoires d'enfants, car selon moi quand il a plu on n'attend plus que le beau temps. Je prends un temps pour parler de mes parents et de mes amis, ces gens si importants dans ma vie. Sans eux je sais pas ce que je serais, mais sûrement pas ce que je suis. T'as compris, j'ai pas le temps d'attendre. J'écris, je passe ma vie à entreprendre. J'ai pas le temps de perdre du temps pour des boniments. J'ai pas le temps d'attendre les gens, des choses je vais au devant. J'ai pas le temps de baisser les yeux en me soumettant. Tout comme j'ai pas le temps de rester rampant de la vie pénitent. J'ai pas le temps de perdre du temps pour des boniments. J'ai pas le temps d'attendre les gens, des choses je vais au devant. J'ai pas le temps de baisser les yeux en me soumettant. Tout comme j'ai pas le temps de rester rampant de la vie pénitent. J'ai pas le temps de perdre du temps pour des boniments. J'ai pas le temps d'attendre les gens, des choses je vais au devant. J'ai pas le temps de baisser les yeux en me soumettant. Tout comme j'ai pas le temps de rester rampant de la vie pénitent. J'ai pas le temps de perdre du temps pour des boniments. J'ai pas le temps d'attendre les gens, des choses je vais au devant. J'ai pas le temps de baisser les yeux en me soumettant. Tout comme j'ai pas le temps de rester rampant de la vie pénitent. J'ai pas le temps.